Analyse numéro 25 du 18 novembre 2021. Thierry Pirlo, Sherpa One. Anonymous vs Anons. On me pose souvent la question sur la différence entre les Anonymous et les Anons de Q. Il est extrêmement compliqué de cataloguer les deux, surtout concernant les Anonymous, qui est, il faut le reconnaître, un mouvement un peu fourre-tout depuis de très longues années. Ci-dessous, voici ma version des deux mouvements, afin que vous compreniez qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Anonymous égale hackers anarchistes, anonymes, révolutionnaires d'extrême gauche, aussi bien US qu'européens, mouvement qui prend sa source en 2003. Les Anonymous peuvent être n'importe qui dans la population, mais ce sont en général, au niveau des noyaux durs, des activistes gauchistes. Néanmoins, il y en a aussi de droite et d'extrême droite, d'où le manque d'identité du mouvement. Les Antifa et les Black Blocs sont plus radicaux et n'en font en général pas partie. Comme les Anonymous ont le grand courage de s'exprimer derrière un masque, on peut imaginer que, hormis quelques excellents pirates informatiques, n'importe qui, du charcutier du village au chômeur longue durée ou même au beau-frère attardé, peut se revendiquer Anonymous et faire de belles vidéos sur fond de voix métallique. Leur but est de renverser les mondialistes et le capitalisme par des actions de cyberguérilla ciblées et par des manifs non violentes. Et à vrai dire, beaucoup de blabla sans grand résultat depuis bientôt 20 ans. Leurs combats peuvent aussi varier de la protection de la nature au climat ou encore rejoindre des mouvements comme Extinction Rébellion qui militent pour la protection des animaux. Des idéaux et des objectifs louables mais jamais atteints par manque de cohésion, d'organisation et par la multitude de leurs combats. Q et Anons. Q égale opération militaire. Anons égale mouvement de patriotes résistants de la droite américaine, nationaliste, conservatrice et catholique. Ce sont des fervents supporters de Trump et de l'Alliance qui se battent contre le Deep State aux côtés de Q. DS égale Deep State, état profond, mondialisé, dont l'objectif est le nouvel ordre mondial totalitaire qui s'installe sur le modèle chinois 5.0. Le mouvement est d'abord américain et démarre en octobre 2017 pour rapidement se répandre comme une traînée de poudre sur tous les continents et devenir un mouvement patriotique mondial dès 2020. Le but des Anons, réveiller l'humanité entière, rien de moins. Et ce, grâce à l'information de Q, une intelligence militaire derrière l'Alliance, en inversant la balance informationnelle alternative par rapport à l'info mainstream aux ordres. Les Anons sont des soldats numériques qui font d'énormes recherches et partagent sur les réseaux H24. Ils inversent de façon inéluctable le processus de diffusion de la propagande des médias mainstream par une information non censurée et non contrôlée via tous les réseaux sociaux. Le mouvement En Marche ne peut plus être inversé et le cri de ralliement des Anons est « Where we go one, we go all ». Là où l'un va, nous allons tous, ou bien « Un pour tous et tous pour un », la devise des mousquetaires. D'où le nom de l'opération de débarquement de matériel US à Brest et à Dunkerque en 2020, qui a traversé la France pour, soi-disant, retrouver une manœuvre OTAN dans les pays de l'Est, cette opération s'appelait Opération Mousquetaire. Alors, quelle est la différence entre Anonymous et Anon? Je dirais la même que celle entre un mousquet à silex et un 357 Magnum. Sherpa One.